crack, crack, crack. T'es mal comme je les shoot le pipa para. Faut pas se n'aime ma pute comme celle de l'âge. Ma et moi, un putain de décalage. Au son le fond derrière, un putain de décalage. Ah le coloc, je suis pas y'a peu tu me règles. J'aime bien jouer au jeu, je respecte pas les règles. Ferme ta gueule, mets-toi à genoux, c'est l'heure de notre règne. Oh. J'aurais dû battre y'a 3 ans, mais trop de flemme. Oh. Trop de fond, hey. Trop de bœufs, hey. Trop de caca, trop de thèmes, j'ai pété dans le canapé. Oh. Deviens pieux, hey. Dis mon vieux, hey. Mais avant ça, je m'en fais shooter des foulanas. Oh. Ouh. Na. Na. Na. Na. Ouh. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Fou, na, na.